bien, bah écoutez, je viens de quitter Bernard Ménez avec qui j'ai passé 8 heures. Et je tiens à féliciter Jean-Pierre Kuhl. Vous avez réussi votre épreuve de publipostage. Ouais, j'ai tout envoyé, ouais, bah merci Francis. Hein. Sans lui, j'aurais rien pu faire. Merci la régie. Merci à toute la technique. Et puis, bon, ben, j'espère que... Enfin, ça, je le dédie à... Très bien. Est-ce que vous avez digéré vos pommes d'or? Comment ça s'est passé, là, au niveau du bronze, là? Ben, j'ai sorti les lingots, ben, j'ai fait une connerie, j'ai tiré la chance. Alors ça, comment ça se passe, Michel, quand il se passe des choses comme ça, là? Qu'est-ce qu'on fait, normalement? Ben, moi, j'ai pas mes bronzes, là, pour ma maison de campagne, donc je considère le travaux comme nul et non avenu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais arracher le poil à Spartacus, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai des gosses, comme tout le monde, faut que je rentre à la maison ce soir, donc on va considérer qu'il est juste, qu'il est bon. Ah, ben alors, voici deux nouvelles. Il restait un dernier travaux à effectuer, quel sera-t-il? Alors, c'est pas compliqué, il faut réduire la cramouille dans une proportion de 12%, et cela dans les plus brefs délais. Oulala! Ben alors ça, Kirkul, vous en sentez capable, réduire la cramouille? Pas facile, mais j'ai droit au rotofilm. Oui, vous avez droit au rotofil, vous avez droit exactement également à tous les barils de funs qui sont à votre disposition, ainsi qu'aux éprouvettes de Nia. Top, c'est parti. Ma bouche pas de cramoun. Salope de cramoun. Viens là, pour de la cramoun. Donc là, je peux pas la réduire à plus de 10%. Ah, viens la cramoun. Cramoun. Oh là là là là là là, moins 12%. C'est parfait. Bien alors Michel, maintenant à présent c'est fini, les 12 travaux sont accomplis, non? Ah, les indicateurs sont formels, hein, c'est du fait. Là. Bon, là j'ai la 106, je rentre chez moi, je vous dépose. Tu peux prêter ta 106? Quant à nous, il ne reste plus qu'à nous dire au revoir. Nous allons repartir dans le futur, dans notre présent, avec Francis Lafourne. En tout cas, c'était gentil de nous avoir aidé sur ce coup avec Jean-Pierre, parce qu'on a quand même sauvé le monde. Exactement. Ouais, sachez bien, chers auditeurs, qu'aujourd'hui, en aidant à accomplir les 12 travaux de Jean-Pierre Kuhl, nous avons un petit peu aidé à sauver le monde. Hein. Sachez qu'en tout cas, nous sommes passés à côté de pas mal de travaux, puisque on a voulu nous faire couler le Titanic, ils ont voulu qu'on aille chercher notre permis de char à la préfecture, filtrer avec les dents les bouts d'épuration de l'usine de Feta, réconcilier les Spice Girls, changer l'immatriculation d'Ulysse qui est immatriculé en Haute-Garonne, ils ont voulu qu'on rouille Goldorak, et puis alors le travaux le plus important, le plus impossible, était de réduire le chômage. Heureusement, nous sommes passés à côté de tout ça, nous nous retrouvons pour une autre émission énorme de l'énorme quête d'ici une petite semaine. Ça va être difficile à ravoir ça, vous avez une touche toute maculée. C'est la moussaka. J'ai jamais eu la moussaka. Le pire c'est les loukoums.